الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc aujourd'hui pour le sujet, on continue dans le tafsir. En fait, on revient un peu plus loin. On repart à Sourate At-Tin Az-Zaytoun. Donc une autre fois, inshallah, peut-être dimanche prochain, je sais pas, je vais essayer de vous faire un cours sur Ulum al-Qur'an. Si jamais je vous le fais celui-là, je vous conseille d'écrire, prendre de quoi écrire. En fait, Ulum al-Qur'an, c'est-à-dire parler pas du tafsir mais du Coran. Par exemple, quand est-ce qu'il a été révélé, c'est quoi le an-nasikh ou le mansoukh, est-ce que l'ordre des sourates ça vient des sahaba ou est-ce que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tout ce qu'il faut connaître, pas dans le sens ce que signifie le Coran, mais sur le Coran. Ça serait bien qu'on le fasse. Qui a regardé un peu le site de Khalid al-Sabt? T'as regardé alors? Bien, il y a beaucoup de dodo ça. Regardez. Ah, alors ouais. T'as écouté un peu ouais, parce qu'il y a la vidéo aussi. Il y a la vidéo, ouais. En plus, chaque dars, en dessous, ils l'écrivent. Okay. Tu veux pas l'écouter, tu peux le lire. Ah, bah, c'est bien, alhamdoulilah. Il y en a un autre, si vous voulez, dans le tafsir. Il s'appelle Moussaïd al-Tayyar. Tayyar comme Tayyar. Son prénom, c'est Moussaïd. Si vous tapez ça dans Google, vous allez trouver son site. Et lui, il parle beaucoup de tafsir, il parle beaucoup de Ulum al-Qur'an, et il a écrit tafsir Juz Amma. Moussaïd al-Tayyar, il a écrit tafsir Juz Amma. En fait, comment il l'a fait? En haut de la page, il fait le tafsir de la sourate, mais un tafsir facile, très facile. Et en dessous, la marge, ou c'est pas la marge, mais en dessous, quoi, le hashia, il écrit le plus d'explications, en fait. Est-ce que par exemple il y a un irtilef sur le Aya, qu'est-ce qu'il a dit de Tabari, etc., etc. Celui-là, vraiment, je vous le recommande. Et sinon aussi, je vous en ai pas parlé, tout simplement. Le premier livre à vous recommander dans le tafsir, tout simplement, c'est les livres de Cheikh Al-Uthaymeen. Al-Uthaymeen, en fait, il faut savoir, Al-Uthaymeen, donc c'est Mohamed ibn Salih Al-Uthaymeen, rahimahullah, c'est pas des livres qu'il a écrits. La majeure partie des livres que vous voyez de lui, c'est pas des livres qu'il a écrits. C'est des cours qu'il a fait. Et ils ont enregistré ses cours et après ils les ont mis à l'écrit. Donc c'est une fondation que lui-même, je crois que c'est lui qui l'a fondée. C'est une fondation qui s'occupe de faire ça. Et ses livres dans le tafsir, ils sont vraiment, c'est vraiment une qualité incroyable. Pourquoi? À la fois pour la façon dont il a fait le tafsir et à la fois pour la simplicité. C'est-à-dire que n'importe lequel d'entre nous, s'il lit, bien sûr c'est en arabe, il va comprendre. Donc on passe à la sourate At-Tin Az-Zaytoun. Et si on finit At-Tin Az-Zaytoun, donc jusqu'à Al-Humaza, après on commencera Sabbih Isma Rabbika Al-A'la. Donc sourate At-Tin, Bismillahir Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, At-Tin Az-Zaytoun, wa Tur Sinin, wa hadha al-baladi amin. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai pas pris de livre. J'ai pas pris le tafsir de Cheikh Al-Sa'di. Pourquoi? Parce que le tafsir, je le prépare pas seulement avec Cheikh Saadi. Saadi, Al-Uthaymeen, Moussaïd al-Tayyar que je vous ai dit tout à l'heure, Tabari et d'autres. Donc je ne veux pas être limité à un seul commentateur, et puis comme ça va plus vite. On n'est pas obligé de lire, quand on lit le livre, c'est long. Donc pour les 10 dernières sourates, ça allait, mais si on fait ça avec les autres sourates, on ne va jamais avancer. Donc le premier verset, il dit Wattini Wazzaytoun. Donc At-Tin, c'est bien connu, c'est le figuier. Et Az-Zaytoun, c'est l'olivier. Donc Allah juré par les figues et par les olives. Le fait qu'Allah jure, donc bien sûr le waw ici, comme d'habitude, c'est waw al-qasam. Wattini bimana uqsimu bit-tin. Je jure par le figuier. Le figuier ou les figues. Alors, ça désigne les deux. Donc le fait qu'Allah jure par ces deux fruits, ou plutôt ces deux végétaux, bien sûr, ça montre que par rapport au reste des légumes et des fruits, etc., ils ont quelque chose de spécial. Quoi? Allah ne nous l'a pas dit. Cependant, le fait qu'Allah jure par ça, c'est forcément c'est qu'il y a quelque chose de spécial dans les olives et dans les figues. Ensuite, dans le deuxième verset, Allah dit « Wa turi sinin » et par la montagne de, c'est-à-dire je jure par la montagne de sinin. Tour en arabe, ça veut dire une montagne sur laquelle il y a la végétation. C'est pas une montagne rocailleuse, c'est une montagne sur laquelle il y a de la végétation. Donc, Tour Sinin, c'est une montagne qui est à Sina. Et c'est en fait la montagne sur laquelle Moussa alayhi salatu wa salam a reçu la parole d'Allah. C'est là où Allah lui a, donc il lui a donné un rendez-vous, il lui a dit de venir, et c'est là qu'Allah lui a parlé, et que Moussa a entendu directement Allah lui parler, comme c'est expliqué dans d'autres sourates. وهذا البلد الأمين. Et par cette al-balad en arabe, c'est assez vaste, ça peut vouloir dire une ville, parfois on peut vouloir dire par là toute une contrée. Donc ici ça désigne Mecca. Al-balad ici c'est une ville, donc c'est la Mecque. Et par ce pays ou par cette contrée, al-Amin. Al-Amin, c'est-à-dire qui est sûr, qui est en sécurité. Et on avait déjà expliqué que Mecca, par rapport au reste du monde et au reste de la péninsule arabe, ben, c'était une ville sécurisée, dans le sens où il n'y avait jamais de guerre dans cette ville, il n'y avait jamais de conflit. Et celui qui est entré à Mecca, eh bien, dans le haram, c'est plus large que Mecca, c'est-à-dire dans la zone sacrée, le haram, ben, pour les Arabes, il était interdit de le tuer, de s'attaquer à lui, etc., etc. Donc Allah a juré ici par, premièrement, deux végétaux, la figue et l'olive, et ensuite par deux endroits. Mais quand on regarde le tafsir des salafs, ils disent At-Tin, par exemple, certains ont dit Masjidu Baytil Maqdis. Ou alors certains ont dit At-Tin Masjidu Dimashq. Wa Zaytoun Baytul Maqdis. Certains ont dit en fait la figue, c'est la mosquée de Damas. Et quand ils disent la mosquée de Damas, en fait, c'est plus, faut vraiment laisser le mot Masjid, le temple de Damas, c'est-à-dire qui était chez Bani Israël avant. Az-Zaytoun, c'est Beytul Maqdis, Jérusalem. D'autres ont dit Masjid Nouh. Mais en fait, toutes ces paroles-là, il n'y a pas de contradiction dedans. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont dit ça? C'est qu'Allah a juré par la figue et par l'olive. Mais si après il jure par la montagne de Sinaï et par Mecca, c'est qu'il y a un lien. Juste si c'était juste la figue et l'olive, il n'y a pas de lien avec Mecca, il n'y a pas de lien avec la montagne. Donc quel est le point commun? Où poussent la figue et l'olive? Au Shem. Et le Shem, c'est la terre des Anbiya, ou de beaucoup des Anbiya et Anbiya Bani Israël. Donc en fait, le verset, il fait allusion, c'est ça qu'ont souligné les salafs quand ils ont expliqué le verset par ces endroits-là, il fait allusion à cet endroit, c'est-à-dire au Shem et aux endroits où sont venus les prophètes jusqu'à Isa, c'est-à-dire les prophètes de Bani Israël. Donc c'est comme si Allah faisait allusion à la prophétie des Bani Israël, et notamment celle de Isa. Ensuite, dans le deuxième verset, la prophétie de Moussa, et enfin la prophétie de Mohammed. Pourquoi? Parce que ce sont les grandes shara'ir, les grandes, entre guillemets, révélations qu'Allah a descendues. Il faut savoir, ça c'est intéressant, ça c'est pas dans le tafsir, mais c'est en plus. C'est que dans, si je ne me trompe pas, c'est dans la Torah. Je sais pas si c'est dans la Torah ou dans l'évangile actuel, c'est-à-dire telle qu'elle est maintenant. Ils ont un passage dans lequel il est dit que l'Éternel ou Dieu, il s'est manifesté à, donc il y a un endroit au Shem, j'ai oublié comment il le dénomme, après sur le mont Sinaï et sur les montagnes de Pharan. Et les montagnes de Pharan, c'est les montagnes de Mecca. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'Iqra. C'est-à-dire que ce verset il ressemble à un verset. Allah a'lam, est-ce que c'est bel et bien un verset qu'Allah a révélé? Ou en tout cas, c'est quelque chose qui reste dans leur livre. Laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Donc ça, c'est ce sur quoi Allah a juré. Donc les trois premiers versets, Allah jure par quelque chose pour dire laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Donc, l'aqad, c'est pour insister, c'est comme si c'était un qasem. Nous avons créé l'être humain, fi ahsani taqwim, dans la meilleure constitution. Taqwim, yani, ça signifie ahsani sura, yani khayri sura, ou khayri hay'a. L'être humain, Allah l'a créé, lui a donné la meilleure forme, et également le plus bel aspect, le meilleur aspect, par rapport au reste des créatures. Donc si on compare par exemple l'être humain aux animaux, bah, l'être humain il est debout. Alors que les animaux, même si certains ils sont, enfin, ils ont une certaine mobilité, mais aucun d'entre eux n'est debout. tel que l'être humain. Donc c'est pour ça qu'Allah lui a dit qu'il l'a créé dans Ahsani Taqwim, c'est-à-dire qu'il a la meilleure création. Donc du point de vue de sa création et de sa constitution, Allah il a distingué l'être humain des autres créatures. Et il a dit que sa création c'est la Ahsan, c'est la meilleure. Thumma, donc pourquoi khalaqna au pluriel? Parce que Allah parle au pluriel en parlant de lui-même. Parce que le Coran est descendu en arabe, et en arabe, quelqu'un qui est important, quand il parle, il peut dire nahnu. Nahnu fa'alna, nahnu qulna, etc. Donc comme le Coran il est en arabe, et qu'Allah l'a révélé et a parlé en arabe pour le dire le Coran, eh bien il dit en parlant de lui-même nahnu ou inna. Thumma radadnahu asfala safirin. Puis nous l'avons renvoyé asfala safirin, au plus bas des plus bas. Asfala safirin, ça signifie an-nar. C'est-à-dire que l'être humain, Allah l'a honoré parmi toute la création, il l'a distingué, lui a donné la meilleure création. Mais comme l'être humain, il n'a pas été reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, et malgré qu'Allah l'ait distingué, lui-même, il n'a pas été reconnaissant, il n'a pas tenu cette place qu'Allah lui a mis, eh bien Allah l'a renvoyé au fin fond, c'est-à-dire au plus profond du profond. Pourquoi? Parce que normalement, justement, l'être humain, si Allah l'a honoré de cette façon, eh bien normalement, il doit se distinguer des autres créations, pas seulement par sa forme, mais aussi par son comportement, sa morale, etc. Donc s'il fait le contraire, il sera pire que les autres créatures. Parce que les animaux, eux, on ne peut pas leur reprocher de faire des choses que si c'était l'être humain qui les faisait, ça serait une honte. Mais les animaux, on ne peut pas leur reprocher parce que ben, ils ont été créés comme ça. Ils n'ont pas d'eux, ils n'ont pas l'aql, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'intelligence telle que l'être humain. Ils ne ressentent pas la pudeur, par exemple, de se montrer, de montrer leur corps comme l'être humain. Donc si l'être humain, il ne respecte pas cette place qu'Allah lui a donnée et il n'agit pas en conséquence, ben, il est pire en fait que il descend plus bas. C'est pour ça, asfala safirin, ça signifie l'enfer. Parce que l'enfer dans la création, c'est l'endroit le plus bas de la création. Il y a un autre tafsir qui a été expliqué, mais je vous l'expliquerai après. Illa alladhina amanu, donc ensuite Allah fait ce qu'on appelle un istithna, une exception. Illa, sauf, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les êtres humains qui vont se retrouver au fin fond de la création et au plus bas de la création en enfer. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Sauf ceux qui ont آمَنُوا. آمَنُوا ici c'est un verbe, c'est-à-dire qu'ils ont eu iman. Donc l'iman, qu'est-ce que ça signifie? L'iman c'est l'iqrar. L'iman en arabe ça signifie l'iqrar. C'est quoi l'iqrar? C'est reconnaître quelque chose, accepter quelque chose. Donc l'iman, même en arabe, avant même de parler de la religion, Al-Iman, ça ne veut pas juste dire croire. Croire, comme par exemple, tu crois à une information. Tu vois une information à la télé ou dans un journal, tu y crois, c'est-à-dire tu crois qu'elle est vraie. Ça, c'est pas Al-Iman, c'est plus que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Tasdiq. Je te dis quelque chose, tu me crois. Ça, en arabe, ça s'appelle Tasdiq. C'est-à-dire, je te crois dans le sens, je crois que tu dis vrai. Al-Iman, c'est plus. C'est Iqra. C'est-à-dire, c'est un tasdir, tu crois à l'information, mais tu l'acceptes. C'est comme si tu l'intègres et tu agis en conséquence. C'est ça l'iman. Non, l'yaqin, c'est encore un degré plus loin. Mais dans l'iman, c'est sûr qu'il y a une base de yaqin. Parce que l'iman, elle n'accepte pas le shak. Le shak, il n'est pas accepté dans la foi. Le fait de douter, de ne pas savoir, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai ou pas, ça, c'est plus iman. Donc l'iman, dans ce sens-là, oui, c'est l'yaqin. Mais l'yaqin, après, il a un degré au-dessus, dans le sens du tawakkul, etc., etc. Mais la base, effectivement, il y a du yaqin dans l'iman. Parce que sinon, c'est plus l'iman. Alors, l'iman, il ne peut pas être basé sur le chèque. Comme si quelqu'un, par exemple, il rentre dans l'islam en se disant, bon, si c'est vrai, j'ai gagné, mais si c'est faux, bah, c'est pas grave. Non, là, c'est pas l'iman. Ça ne marche pas, ça. Il faut qu'il soit sûr et certain. Donc dans ce sens-là, oui, c'est l'yaqin. Donc l'iman, c'est pas juste croire que c'est vrai. Donc alladhina amanu, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment attaché foi en qu'est-ce que c'est arkan al-iman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit: an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est qu'ils ont foi en Allah, c'est-à-dire en ses noms, en ses attributs, en ce, dans tout ce dont il nous a informé au sujet de lui-même dans le Coran ou à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont foi aux anges, c'est-à-dire qu'ils croient en leur existence. Ils ont foi aux livres qu'Allah a révélés, à tous les livres qu'Allah a révélés, aux messagers qu'Allah a envoyés, au jour de la résurrection, au destin, c'est-à-dire au décret d'Allah qui précède tout ce qui va arriver. Donc tout ça, ils ont iman vis-à-vis de cela. Wa amilu salihat, et qui ont fait les bonnes œuvres. Salihat, c'est-à-dire les bonnes œuvres, comme la salat, l'aumône, le jeûne, et ainsi de suite. Falahum ajrun ghayru mamnun. Donc eux, ils sont exceptés de tout ça, de cette menace et de cette condamnation, parce que eh bien, ceux qui ont l'iman et les bonnes œuvres, eux, ils ont respecté cette place qu'Allah leur a, cet honneur qu'Allah a fait à l'être humain, eux, ils ont fait, ils ont été reconnaissants envers Allah pour ça. Et ce qu'ils ont fait, le fait d'avoir la foi, de faire des bonnes œuvres, ça va dans le sens de cet honneur qu'Allah a fait à l'être humain. C'est-à-dire qu'ils ont su garder cette dignité, cet honneur, cette distinction qu'Allah a donnée à l'être humain. Donc ils ne seront pas condamnés avec les autres. Falahum ajrun ghayru mamnun. Et donc ils auront une récompense qui ne sera pas mamnun. Mamnun, ils l'ont expliqué avec plusieurs mots qui reviennent tous à la même chose, c'est-à-dire ils ont dit par exemple ghayru maqtu', ghayru mahsoub. C'est-à-dire qu'il ne sera pas interrompu. Ou alors ils ont dit ghayru manqus, qui ne sera pas diminué. C'est-à-dire que au contraire, comme on le sait, Allah va les récompenser pour beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Et Mamnoun, Al-Sheikh Al-Uthaymeen, lui, il dit, rahimallah, également, on en comprend le sens de Al-Minna. Mamnoun, quelque chose, Mamnoun, ça peut vouloir, ça peut être basé sur le mot Al-Minna, Al-Man. C'est quoi Al-Man? C'est que, par exemple, je te fais du bien, et plus tard, je te le rappelle. Et je te dis, moi, je t'ai prêté de l'argent, moi, je t'ai rendu service, moi, ça s'appelle Al-Man. Donc, Mamnoun, également, ça peut vouloir dire cette chose-là. C'est-à-dire qu'Allah va leur donner, mais ils ne vont pas entendre toujours « on vous a fait, on vous a donné ». C'est-à-dire qu'Allah leur donne comme donne le généreux, sans leur rappeler cela. Donc, ici, en fait, Allah a montré l'être humain, sa place, et que, d'abord, il a parlé de la majeure partie d'entre eux, ils n'ont pas respecté cette place, donc ils vont se retrouver au plus bas degré. Et une exception parmi la race humaine, entre guillemets, c'est ceux qui ont eu la foi et qui ont fait des bonnes œuvres. Eux, ils auront une récompense continuelle, une récompense énorme, une récompense qui ne leur sera pas reprochée, qui ne sera pas diminuée, etc. Donc je vous disais, il y a un autre tafsir qui existe sur ces versets. Il est rapporté de si je ne me trompe pas, c'est de Ibn Abbas, et c'est le tafsir qu'a choisi At-Tabari. Rahimallah Tabari, lui, il dit que le sens de ces versets, c'est pas ce que je viens de vous dire. Lui, il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'être humain, il a la meilleure création, mais dans le sens où l'être humain, il atteint la jeunesse et il atteint un âge où il est فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, c'est-à-dire il a toute sa force, toute son intelligence, etc. Et c'est surtout dans le verset d'après que ça change. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ أَيْ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ. Ça n'a plus rien à voir. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des plus bas. Lui, il dit, ça ne veut pas dire l'enfer. Ça veut dire à l'âge le plus vil, comme c'est dit dans un autre verset. C'est-à-dire que au bout d'un moment, s'il continue à vivre, ben, il va devenir un vieillard qui arrive à peine à se déplacer, qui a plus toute sa tête, etc. Alors que il était avant ça un jeune, fort, intelligent, mais ensuite on le renvoie à l'âge le plus bas. D'ailleurs, dans une doa, ce serait bien que vous la lisiez, vous la preniez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une doa qu'on peut dire à la fin du, après le tashahhud, avant de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, il y a une doa dans laquelle il disait wa'oujou bika min an uradda ila arzalil umur. Le prophète demandait à Allah de le protéger de ça, c'est-à-dire de ne pas arriver jusqu'à l'âge vil, l'âge où la sénilité, on dit, l'âge sénile où on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il demandait à Allah de mourir avant ça. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et il avait toute sa force, toute sa raison, etc. Donc il est mort avant ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut demander à Allah. Comme quoi, parfois, les gens disent, ouais, par exemple, un tel, il est mort Il vit alors qu'il a encore 100 ans, ou un tel, il est mort à 115 ans, oui, mais comment il était? C'est pas forcément un bien, ça. Ça dépend comment il était. Si à 115 ans, il était encore, il avait besoin de personne, il avait sa tête et qu'il faisait salat, etc., oui. Mais si c'est pour vivre jusqu'à 115 ans et pendant 15 ans, il faut te donner à manger à la cuillère, tu peux plus faire la prière parce que t'as plus ta raison. Ça, il vaut mieux mourir avant. Ça, c'est quelque chose qu'on demande dans ces deux-là. Bref, tout ça pour dire que Tabari, lui, il a expliqué le verset de cette façon. C'est-à-dire que l'être humain, il atteint l'âge de la pleine force et après, il redescend au plus bas. Mais alors, que veut dire, sauf ceux qui ont la foi et qui ont fait de bonnes œuvres? En apparence, ça n'a rien à voir. Parce que ça, c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde, il peut devenir vieillard, que ce soit les mécréants, que ce soit les croyants, même le plus pieux des plus pieux, il peut devenir un vieillard sénile. Donc pourquoi Allah a dit, sauf ceux qui ont la foi et qui ont fait de bonnes œuvres? Ben non, justement, parce que le his, le mushahada, il montre qu'il y a des gens très pieux, ils arrivent aussi jusqu'à. Voilà. Alors que veut dire le verset? At-Tabari, il dit en fait, le premier verset, entre ce verset et celui d'après, entre nous l'avons envoyé à l'âge le plus vil, au plus bas des plus bas, c'est-à-dire à l'âge le plus vil, sauf ceux qui ont la foi et qui ont fait des bonnes œuvres, il dit, ça ne veut pas dire que ceux qui ont eu la foi et fait des bonnes œuvres, aucun d'entre eux n'ira à l'âge le plus vil. Il dit ça, c'est faux. Alors que veut dire cette exception? C'est dans le sens que l'être humain, il atteint sa jeunesse. Ensuite, il arrive à l'âge le plus bas. Et donc, à ce moment-là, il ne peut plus faire de bonnes œuvres. Il ne peut plus revenir à Allah. Et toutes ses œuvres qu'il faisait auparavant, il ne peut plus rien faire. Elles lui servent à rien. Sauf ceux qui ont la foi et fait des bonnes œuvres. Quand ils sont vieux, eux, leurs bonnes œuvres, ils leur sont, tout a été enregistré, elles leur sont gardées. C'est-à-dire, certes, maintenant, il a par exemple 110 ans, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus faire ça là, mais il n'a rien perdu, parce que tout lui a été écrit de ses bonnes œuvres. Alors que le mécréant, il ne peut plus œuvrer, et c'est terminé pour lui d'œuvrer. Parce que, une fois qu'il meurt, ses bonnes œuvres, c'est de la poussière. Les bonnes choses qu'il a fait, c'est de la poussière. Donc, tous peuvent revenir à l'âge vil, à la sénilité, mais la différence, c'est que le croyant, lui, tout lui a été écrit, et donc il a ses récompenses qui ne seront pas diminuées. Et c'est pour ça qu'après il a dit, il aura une récompense qui ne sera pas diminuée. C'est-à-dire tout lui est garanti, malgré qu'il arrive à un âge où il ne peut plus rien faire. Et certains ont même dit que ça signifie que quand quelqu'un il est vieux au point où il a perdu sa raison, par exemple il ne peut plus prier, parfois il y a des vieux qui ne peuvent plus prier, il a perdu la tête, eh bien Allah continue de lui écrire tous les jours comme si il priait. Un peu comme le hadith qui dit, que celui qui est en voyage ou celui qui est malade, Allah lui écrit ses œuvres comme s'il était en bonne santé ou comme s'il était chez lui. Donc ça, c'est un autre sens qui a été donné au verset. Le sens en lui-même, de toute façon, il est vrai. Le sens, il est vrai. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que vraiment le verset, il veut dire ça ou pas. Bon, dans tous les cas, c'est l'avis de l'imam At-Tabari. Donc à partir du moment où At-Tabari a dit ça, on peut en parler comme étant un tafsir du Coran. Donc voilà les deux explications. Le Cheikh At-Tayyar, il a cité également l'explication de At-Tahir ibn Ashur. At-Tahir ibn Ashur, c'était un savant, rahimahullah, de Tunisie. Il vivait pendant la colonisation française. Je ne sais pas s'il est mort après l'indépendance ou avant. En tout cas, c'était un grand savant tunisien. Et il a laissé un grand tafsir. Un très long tafsir qui s'appelle At-Tahriru wa At-Tanwir. C'est un truc comme ça, son tafsir. Et dans lequel il a laissé donc énormément de science. Et lui, il dit que dans Fi Ahsani Taqwim, il y a aussi la fitra. La fitra, qu'est-ce qu'on appelle la fitra? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Kullu mauloudin yuladu ala al-fitra. Tout bébé naît sur al-fitra. Al-fitra, c'est comme la nature originelle de l'homme. Comment l'homme il est à la base, avant que les choses elles influent sur lui. C'est pour ça qu'après le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais ensuite ce sont ses parents qui le rendent juif ou qui le rendent chrétien. Donc al-fitra, c'est l'état originel de l'homme. Et donc c'est notamment l'islam, le monothéisme. Donc, fi ahsani taqwim, c'est pas seulement sa création, c'est aussi morale. C'est aussi sa nature morale, sa fitra. Et que l'être humain, s'il est éduqué par des parents musulmans dans un milieu musulman et qu'il n'a pas d'influence extérieure, il va grandir comme un bon musulman. Parce que ça, sa nature, elle est faite pour accepter ça. C'est ce qui correspond à sa nature, l'islam. Donc, fi ahsani taqwim, il dit ça comprend ça. Thumma radadnahu asfala safilin, c'est-à-dire que celui qui ne suit pas l'islam et qui ne s'attache pas à l'islam, ben ça, il va le changer. Et il va se retrouver plus vil encore que le reste de la création. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça y ressemble, dans le sens où, eh bien, à la base, notamment, l'être humain, il a des valeurs, il a une morale, il a une nature qui est prête à c'est comme un réceptacle qui est prêt à recevoir l'islam et le bon comportement. Mais si il choisit la mécréance et il rejette l'islam, eh bien, il va faire des choses qui vont faire de lui quelqu'un, une créature plus vile que l'animal, plus vile que les restes de la création. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les autres créatures, elles sont excusées. Alors que celui, par exemple, qui adore une statue, ou qui adore une tombe, bah lui, Allah lui avait tout donné. Il lui avait donné la raison. Il lui avait donné tout pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas faire ça. Et pourtant, il s'est rabaissé à une chose que même les animaux ne font pas, qui est d'adorer, de se tourner vers autre qu'Allah. Les deux derniers versets, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Donc ici également, on peut le comprendre de deux façons. فَمَا يُكَذِّبُكَ. Donc là, ça s'adresse « ka », c'est-à-dire « toi », le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc est-ce que ça veut dire « فَمَا يُكَذِّبُكَ أي فَمَنْ يُكَذِّبُكَ يَا مُحَمَّدُ بِالدِّينِ » Donc, ça peut vouloir dire qui donc te dément vis-à-vis du din, vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire qui donc peut encore te démentir, ne pas te croire au Mohammed vis-à-vis de la religion que tu as apportée et ne pas suivre la religion que tu as apportée. Ça, c'est un sens. L'autre sens, c'est que car ici, ça ne s'adresse pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça s'adresse à l'être humain. Et ça veut dire Fama yukadhibuka yani ayyu shay'in. C'est pas man, c'est pas qui, c'est quoi. Qu'est-ce qui te fait? Et c'est pas yukadhibuka dans le sens il te dément. Yani yaj'aluka tukadhibu bid-din bima'na bil-hisab wal-jaza. Et les deux sens, ils sont acceptables, et les deux sens, ils sont vrais. En fait, le verset, la deuxième explication, donc, c'est de dire que ça s'adresse à l'être humain. Et ça veut dire, qu'est-ce qui fait que toi, l'être humain, tu dément être din? Mais din ici, dans quel sens? On a dit plein de fois que din, ça a deux sens. Soit la religion, soit le jugement, la rétribution. C'est-à-dire le fait de récompenser ou de punir. Comme on dit, kamata din, tu dan. Donc, qu'est-ce qui fait que, ô toi, l'être humain, tu dément le jour de la résurrection? C'est-à-dire que il n'y a rien qui, dans l'aql, dans la raison, empêche l'être humain de croire à la résurrection. La résurrection, il n'y a rien d'impossible au niveau intellectuel, au niveau de la raison, au niveau de la logique. Il n'y a rien qui l'empêche. C'est-à-dire que si tu parles avec un athée, tu lui dis, est-ce que logiquement, raisonnablement, c'est impossible le jour de la résurrection? Il va te dire non. S'il est sincère, il va te dire non, c'est pas impossible. Donc c'est pas impossible, mais en plus, la révélation divine, elle l'atteste. Et en plus, la logique également, elle l'atteste. Quelle logique? C'est que l'être humain, s'il réfléchit, il va se dire, bah, comment tout ce monde, on voit que ce monde, il a un sens, il a un ordre, il a une règle, il a des lois universelles, etc. Donc il est illogique que tout ça s'arrête comme ça, sans but, qu'il n'y ait pas un but. C'est pas possible que quelque chose il soit aussi bien fait, aussi bien réglé, juste comme ça, pour que ça tourne et que ça s'arrête. En plus, on voit que dans toute cette création, il y a un être humain, il se distingue des autres créatures. Lui, il conçoit le bien, il conçoit le mal. Et il fait du bien ou il fait du mal. Et ils font du bien ou alors ils font de l'injustice les uns envers les autres. Donc s'il meurt comme ça et qu'il n'y a rien après, bah, c'est injuste. Et l'injustice, c'est contraire à la façon dont le monde il tourne. Le monde, il est bien organisé. Donc si ça s'arrête comme ça serait un manque d'organisation, ça serait, il manque quelque chose. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est illogique en fait. Donc, fama yukadzibuka ba'du bid-din, et c'est pour ça qu'après Allah dit, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus, yani ahkam, c'est-à-dire le plus hakim, ou le plus hakim, le plus sage ou le plus juste des hakimin. Le hakim, c'est celui qui juge, celui qui tranche. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? C'est-à-dire que si tu crois que tu renies le jour de la résurrection, ben en fait, tu remets en cause la sagesse d'Allah. Il y a un lien entre les deux. Pour ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire celui qui remet en cause le jour de la résurrection, il est en train de dire que Allah a créé tout ça pour rien. Et ça, dans le Coran, c'est quelque chose qui revient souvent. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous qu'on vous avait créé abathan pour rien et que vous n'alliez pas revenir vers nous? Qu'est-ce qu'Allah dit après? Fata'ala Allah. Qu'Allah soit ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah est au-dessus de ça. C'est comme si on disait subhanallah. Pourquoi? Parce que dire qu'Allah a créé les choses comme ça sans but, et qu'on ne va pas revenir vers lui, ben c'est une insulte vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de sa sagesse. C'est accuser Allah d'avoir fait quelque chose qui est pas logique, quelque chose qui n'est pas sage. Parce qu'avoir créé tout ça pour que juste ça s'arrête, ça ne serait pas sage. Donc il y a un lien entre la résurrection et entre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que même quelqu'un qui est athée, même quelqu'un qui ne croit pas au Coran, tu peux, avec la raison, lui faire dire et lui faire croire qu'il y aura le jour de la résurrection à travers cet argument. S'il croit en Dieu, c'est encore plus facile parce que tu vas lui dire bah, Dieu il est sage. Est-ce que c'est sage d'avoir fait tout ça pour que ça s'arrête sans rendre la justice, sans juger entre les gens? Donc la logique elle dit que non, c'est pas une sagesse. Wallahu a'lam. La sourate suivante. On dit bala. Ouais, ça c'est. Non. En fait, ça c'est rapporté de Qatada, c'est rapporté de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, donc ça c'est un sahabi, Qatada c'est un tabi'i. Quand il récitait l'ayat, il disait bala, wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Ou alors il y a encore d'autres choses, il y en a qui disaient bala, subhanakallahum, ou quelque chose comme ça. Donc là, ben, ça peut le dire. Salaf Salah, ils le disent. Mais pas dans Allah A'lam, pas dans Salah. Parce que ça, c'est du kalam. Par exemple, quand l'imam récite ça, et derrière, vous dites l'intérieur quand on balade. Wallahu A'lam, moi, ce que je connais, il ne faut pas le dire dans la prière. On le dit quand on récite comme ça c'est gentil, Marc Lofik. On le dit quand on récite comme ça le Qur'an. Mais dans Salah, le kalam, il est interdit. C'est interdit de parler dans la prière. Si tu veux, je regarderai plus amplement, mais moi ce que je connais là maintenant, c'est qu'il ne faut pas le dire. On peut le dire, il y en a comme Ibn Abbas, Qatada, c'est-à-dire Alayhi Allah bi Ahkam al-Hakimin, après on dit Bala, wa inni ala dhalika min ash-shahidin. Mais le problème, si tu le dis Fissallah, donc là ça veut dire que tu as parlé. C'est pas le Qur'an, c'est pas le Dua, c'est pas. Donc normalement, on ne doit pas parler dans ce sens-là. C'est comme. Quand par exemple dans Salah, quelqu'un il fait rythme le Coran, il dit Sadaq Allah al-Azim. Ça, c'est un gros problème, ça. Un gros problème. Parce que Sadaq Allah al-Azim, c'est une phrase. C'est le kalam al-Nas. C'est pas une ayah. C'est pas une dua. Donc c'est quoi? C'est le kalam al-Nas. Le kalam al-Nas, il a rien à faire dans Salah. Bon, bref, c'était une. Mais le mohim, c'est que ça existe. Ce que tu as dit, ça existe de dire bala, etc. Parce que moi, personnellement, je le dis souvent derrière les notes, c'est pensées que. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui le font ça. Il vaut mieux éviter. Donc la sourate suivante, Suratul Alaq. Donc Suratul Alaq, c'est le début. En fait, la Suratul Alaq, elle a deux parties. Les cinq premiers versets, c'est les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la suite, elle lui a été révélée à une autre occasion, beaucoup plus tard, quelques années plus tard. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assemblés pour n'en faire qu'une seule sourate. Donc vous connaissez l'histoire, donc ça on l'a quand même répété beaucoup dans la mosquée, notamment dans la khutbah. Je pense que tous vous l'avez entendu, même j'avais fait une khutbah sur ça, que le hadith de Aïcha, quand elle a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il méditait dans la grotte, comment lui est venu Iqra. Donc normalement, quand on fait le tafsir de Iqra, on raconte tout ça, mais je ne veux pas trop me répéter, parce que ça, je voulais raconter de maintes et maintes fois. En tout cas, c'est le premier verset que Jibril a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Donc le premier verset, c'est un ordre, Iqra, yani Iqra il Qur'an, Iqra ma anzalallahu alayk. Iqra, ça signifie récite, récite, c'est-à-dire récite ce que ton Seigneur t'a révélé, récite le Qur'an. Iqra bismi rabbik, yani bismillah. Donc que veut dire bismi rabbik, au nom de ton Seigneur? Mais ça veut dire quoi au nom de ton Seigneur? Yani musta'inan bismi rabbik, c'est dans ce sens-là. Bismillah ou Bismi Rabbik, c'est dans le sens au nom de ton Seigneur ou par le nom de ton Seigneur, dans le sens où tu cherches l'aide, en cherchant l'aide de ton Seigneur. Et tu le fais pour ton Seigneur. Allavi khalaq. Donc, Arab, on avait déjà expliqué ce que ça signifie. Ça signifie plus ou moins le Seigneur, le Maître, c'est-à-dire le Créateur, celui qui contrôle l'univers. Donc, Iqra Bismi Rabbik Allavi khalaq. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc là, Allah n'a pas précisé qui a créé telle ou telle chose. C'est le sens général. C'est-à-dire qui a tout créé. Et ensuite, خلق الإنسان من علق. Donc regardez, Allah n'a pas parlé خلق الجن, خلق الحيوان, خلق الأرض. Il a dit خلق, ça s'englobe tout. Et après, il a dit خلق الإنسان من علق. Ça, c'est pour montrer la place de l'être humain. C'est un honneur qu'Allah fait à l'être humain. Donc on voit que dans le Coran, l'être humain, il est beaucoup distingué et honoré. Et d'ailleurs, Allah le dit, il y a un verset clair sur ça. « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ » Nous avons honoré les êtres humains. Donc, qui a créé l'être humain ?« مِنْ عَلَقْ » عَلَقْ, donc c'est une des étapes de la création de l'être humain dans le ventre de sa mère. Donc, si on lit tout le Coran, on va trouver qu'Allah dit parfois « مِنْ مَاءٍ مَاهِنْ » parfois min hama'in masnun min salsalin kal fakhar. Donc dans différents versets on trouve qu'Allah dit j'ai créé l'être humain de telle chose et parfois d'une autre chose. Il n'y a pas de contradiction, en fait ça désigne les étapes et parfois ça parle de Adam, le premier homme, avant qu'Allah lui insuffle son âme, et parfois ça parle de l'être humain, c'est-à-dire de chacun d'entre nous dans le ventre de sa mère. Donc Allah, en fait, c'est ils disent c'est une petite masse qui est principalement formée de sang. Et alaq, parce qu'elle est attachée, collée dans al-rahim, c'est-à-dire dans la matrice, quoi, dans le ventre de la mère. Donc alaq ici, c'est une des étapes de la création du fœtus. خلق الإنسان من علق, ça comporte une aya d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ben, l'être humain tel qu'il est, quand on y pense, au début c'était juste une petite masse de sang, enfin, principalement de sang, simplement accroché dans le ventre de sa mère. Et après ça devient ce qu'il devient. Iqra wa rabbuka al-akram. Donc après il lui répète Iqra pour insister. Iqra, récite, wa rabbuka al-akram. Et ton Seigneur est al-akram. Al-akram, ça veut dire, c'est le ismu tafdil de Karim. C'est-à-dire le plus Karim. Et Karim, en arabe, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, c'est un peu le même sens que shérif, noble. Et là, donc là, ça veut dire celui qui a des qualités. Ou ça peut vouloir dire al-jawad, Karim dans le sens généreux. Donc le nom d'Allah al-Karim ou al-Akram, ça désigne les deux. C'est-à-dire qu'Allah est le plus noble et il est aussi le plus généreux. Alladhi 'allama bil-qalam. Celui qui a enseigné par Al-Qalam. C'est-à-dire qu'Allah a destiné que l'être humain allait écrire. Et il a insufflé, il a inspiré, il a enseigné à l'être humain le fait d'écrire. Et d'écrire Bil-Qalam. C'est-à-dire avec cet outil. Al-Qalam, c'est ce qu'on utilise pour écrire. Le mot Qalam, on le retrouve en français pour désigner les anciens trucs avec lesquels ils écrivaient dans l'Antiquité. On dit Qalam. Ça vient du mot arabe, le qalam. Le qalam, donc, ça signifie ce qui sert à écrire. Donc, celui qui a enseigné, bil qalam. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que, c'est-à-dire comme si ce n'est pas un enseignement direct, mais c'est qu'Allah a inspiré, il a destiné à l'être humain le fait d'écrire, et le fait d'écrire bil qalam, en utilisant donc al qalam. Et le lien avec Warabbuka al-Akram, juste avant. Pourquoi seulement al-Akram? Pourquoi il n'a pas dit Iqra Warabbuka ala kulli shay'in qadir, Iqra Warabbuka al-Aziz, Iqra Warabbuka al-Akram? Parce que justement, il relève de al-Karam, de la générosité d'Allah, al-Ta'lim, le fait qu'il a enseigné à l'être humain et qu'il lui a enseigné et inspiré l'écriture. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Donc tout ce que l'être humain sait, donc que ce soit le premier homme Adam, là c'était un ta'lim mubashir, c'est-à-dire qu'Allah lui a enseigné les choses directement, et également les êtres humains par la suite, eh bien, c'est Allah qui leur a enseigné. C'est-à-dire soit directement puisqu'ils tiennent tout depuis leur connaissance depuis Adam, ou également parce qu'il leur a inspiré la connaissance, et il leur a donné adawat. C'est-à-dire tous les outils, toutes les capacités pour connaître et pour apprendre. Encore une fois, contrairement, par exemple, aux animaux. Les animaux, eux, ce qu'ils ont, c'est l'instinct. Ils ne s'apprennent pas. C'est le huda. C'est comme Allah le dit dans le Coran, khalaqa fahada. C'est-à-dire, il a créé et il a guidé. Guidé, c'est-à-dire notamment, par exemple, as-salaf as-salih, quand ils expliquaient alladhi khalaqa fahada, il a créé et il a guidé. Ils disent c'est lui qui guide le bébé à téter le sein de sa mère. Le bébé, il n'apprend personne. Donc c'est qui lui a? C'est le Huda min Allah. C'est Allah qui le guide à ça. C'est ce qu'en français, dans la philosophie, ils appellent ça l'instinct. Sauf que nous, on sait que ça vient d'Allah. Ce n'est pas quelque chose comme eux, ils disent de la nature ou dans les gènes, etc. Ça vient d'Allah. Donc les animaux, c'est ça qu'ils ont. Mais est-ce qu'ils apprennent? À part quelques petits trucs, peut-être, qu'ils copient de leurs parents, etc., mais ils n'apprennent pas réellement. De l'instinct, alors que l'être humain, lui, il a cette grande faculté par rapport au reste de la création qui est d'apprendre. Donc ça, c'est les cinq premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'Allah il cite al-khalq et al-ilm et al-rububiyya. Donc il se nomme dans ce verset al-rab, c'est-à-dire il n'a pas dit iqra bismillah, il a dit iqra bismi rabbik. Pourquoi il a choisi le nom Rabb ici plutôt que le nom d'Allah? Parce qu'il a parlé de la création, alladhi khalaq, et il a dit allama, et il a enseigné. Et le fait qu'Allah ait créé l'être humain et qu'il lui ait enseigné, tout ça, ça relève de ce qu'on appelle ar-rububiyya. Parce que ar-rububiyya ou at-tarbiyya, tout ça, c'est contenu dans le nom d'Allah, ar-Rabb. Ensuite, le verset, il passe à autre chose. Kalla innal insana la yatgha. Kalla, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? C'est comme la, mais plus dur. C'est comme si je te dis par exemple, je te dis quelque chose et toi pour me contredire tu dis kalla. C'est comme si tu disais pas du tout. C'est pas vrai. Donc ici pourquoi kalla? Innal insana la yatgha. Donc innal insana la yatgha, ça veut dire l'être humain yatgha. Il dépasse les limites, il transgresse. Anara'ahu starna. Yani anara'ahu, ça revient à qui le hu ici? À lui-même, à l'être humain. Yani anara'a nafsahu starna. Donc, innal insana la yatra, l'être humain, certes, il transgresse. Anara'ahu starna. Quand il se voit, istarna. Istarna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il devient rani, il s'enrichit. Et starna, c'est également le sens de ne plus avoir besoin des autres. C'est-à-dire que l'être humain, en fait, quand il est pauvre, il dépend des autres. Il doit demander, il doit mendier, etc. Mais quand il est riche, là, ça y est, c'est comme s'il n'a plus besoin. Donc, quand il est comme ça, là, il transgresse. C'est-à-dire que l'être humain, sa nature, elle est comme ça. Il est kafour, il est ingrat. Quand il voit qu'il est dans la santé, qu'il est dans les bienfaits, qu'il est dans la richesse, au lieu d'être modeste, d'être plein de recueillement vis-à-vis d'Allah et de le remercier, la majeure partie des êtres humains, ce n'est pas comme ça qu'ils sont. C'est qu'il va justement, il va se détourner, il va oublier, il va transgresser, il va se mettre à une place qui n'est pas la sienne. Il va se mettre plus haut que ce qu'il n'est réellement. Donc, c'est pour ça qu'Allah a dit Kalla. Parce qu'au début de la sourate, Allah parle de Ar-Rububiyya. Donc, justement, le fait que c'est Allah qui a créé l'être humain. C'est Allah qui lui a enseigné. Et après, de quoi il nous parle? La réaction de l'être humain. Donc, c'est comme s'il disait Kalla. C'est-à-dire que, mais l'être humain, au lieu d'être reconnaissant, au lieu d'apprendre et pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier, lui, quand il s'enrichit, il se voit au-dessus et il transgresse. Et il s'enorgueillit. Tout le monde a compris donc le lien. Anara'ahustarna, inna ila rabbika ruja'a. Et certes, c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Ça, c'est une menace pour l'être humain. C'est-à-dire que il fait tout ça alors qu'il va revenir vers Allah. C'est-à-dire, s'il pensait au fait qu'il va revenir vers Allah, il ne transgresserait pas et il serait reconnaissant envers lui, il aurait peur de lui. Et Cheikh Al-Uthaymeen, ici, il a fait une remarque, il a dit, le verset « Inna ila rabbika ruja'a » c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Bien sûr, en premier lieu, on en comprend une menace, comme je viens de le dire. C'est une menace pour l'être humain parce qu'il transgresse. Mais il dit, mais le verset, il est général. Le retour est vers ton Seigneur. Donc ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire notamment le fait que la conséquence de toute chose, elle est dans les mains d'Allah. Ça peut vouloir dire notamment que quand on diverge et quand on doit trancher entre les êtres humains, eh bien c'est vers Allah qu'il faut se tourner, c'est-à-dire vers son livre et vers son jugement et vers sa loi. Donc c'est pas juste une menace pour l'être humain, mais c'est aussi le fait que eh bien l'être humain doit se tourner vers Allah, doit revenir vers Allah. Ensuite, les versets suivants, ils parlent d'un événement dans la sira. L'événement, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à faire la da'wah publiquement, il priait devant la Kaaba. Donc il faisait salat devant la Kaaba, alors qu'il y avait tous les mushrikines autour. Et également, il appelait et il récitait le Coran, il appelait les gens à l'islam et il récitait le Coran devant tout le monde. Et ça déplaisait aux mécréants de Quraysh et notamment à Abu Jahl. Abu Jahl, donc les gens, c'est quelqu'un que les gens appelaient Abu al-Hakam. C'était un des hommes les plus importants de Quraysh. Et les gens l'appelaient Abu al-Hakam pour sa sagesse. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui l'a appelé Abu Jahl. Parce que justement, quand l'islam est arrivé, eh bien, c'était lui le plus virulent contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et donc Abu Jahl, il a voulu interdire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier devant la Kaaba. Et un jour, il avait même juré, il avait dit, si je le revois en train de prier devant la Kaaba, j'écraserai son cou avec mon pied quand il sera prosterné. Et plusieurs fois, donc, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son interdiction, donc il lui a interdit oralement, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas du tout considéré, il continue à prier. Et un jour, il lui a dit, ne t'ai-je pas interdit de prier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu durement pour lui faire comprendre, laisse-moi tranquille. Et Abu Jahl est reparti. Et Abu Jahl a dit, c'est moi qui suis, yani, ana akfaru Quraishin nadiyan. Il dit dans Quraish, c'est moi qui ai la plus grande nadi. Un nadi, qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un il s'assoit, puis là, les gens avec lui, ses conseillers, ses amis. Comme sa réunion, c'est comme maintenant, on appelle ça un club, plus ou moins. Et lui, il disait, bah, c'est moi qui ai le plus grand nadi, c'est-à-dire la plus grande assemblée, le plus d'amis, le plus de. C'est moi qui suis le plus fort, qui ai le plus de ansar. Et c'est pour ça qu'à la fin, on va voir, Allah lui a dit, Sanad'u Zabaniya. Donc il a menacé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a menacé Bani Hashim, etc. Il est même rapporté qu'un jour, quand vraiment il a voulu l'étrangler, comme il l'avait promis, comme il l'avait juré, il a eu une vision. Et il a vu entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un fossé de feu. Et il est revenu vers Quraysh tout tremblant et tout apeuré. Et bien sûr, eux, comment ils l'ont interprété, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait ensorcelé. À chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça, il trouvait l'excuse de dire que c'était la sorcellerie. Donc les versets suivants, ils parlent de ça. Mais le sens, il reste général. C'est-à-dire que ça, c'est important de comprendre quand on lit le tafsir, c'est que parfois, il y a des versets qui parlent d'une situation, mais est-ce que ça veut dire, voilà, il y a eu cette situation, le verset il en parle et c'est tout? Non, on en retire des enseignements. on en retire des choses. Parfois également, il arrive que des versets ils soient révélés pour une personne, pour un incident ou une histoire qui concerne des personnes. Et Allah juge en révélant des versets. Mais en aucun cas, ça signifie que les versets ne parlent que du cas de ces personnes. Ça parle de ces personnes et de tous ceux qui seront dans le même cas jusqu'au jour de la résurrection. Donc le verset suivant dit Ara'ayta alladhi yanha 'abadan idha salla. Donc Ara'ayta, là ça s'adresse au lecteur, à celui qui récite le qui lit, qui récite le Coran. Et pourquoi Ara'ayta, as-tu vu? En fait, c'est comme si Allah veut nous appeler à réfléchir sur ça, sur cet incident, sur cette situation entre eux. D'un côté Abu Jahl et de l'autre côté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi on s'étonne de ce qu'a fait Abu Jahl et de jusqu'où l'être humain peut arriver. Donc Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. As-tu vu celui qui interdit 'abdan, c'est-à-dire une créature d'Allah, un serviteur d'Allah, idha salla, lorsqu'il fait la salat. Donc celui qui interdit c'est Abu Jahl, celui qui prie c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. As-tu vu si il est ala al-huda, c'est-à-dire sur la bonne voie, ou amara bit-taqwa, ou que, c'est-à-dire, et qu'également, il ordonne les autres, aux autres, at-taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah, la piété. Quel est le sens de ce verset? Le sens de ce verset, c'est qu'Allah te dit réfléchis à celui qui interdit à une personne de prier, et qu'en plus, celui qui prie, c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie, et qui ordonne aux autres d'être sur la bonne voie. Donc c'est le dernier à qui on devrait interdire quoi que ce soit. Et pourtant quelqu'un vient et il lui interdit. Alors que lui il prie, donc il est déjà en lui-même, il est bon, il est sur une bonne voie, et en plus il appelle au bien. Et malgré ça, il y a quelqu'un qui est là pour lui interdire. Ara'ayta in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Donc là maintenant ça parle de l'autre, de celui qui est interdit. Allah dit, as-tu vu si il dément, et si il se détourne, c'est-à-dire la façon dont il dément. Donc kadhaba, c'est le contraire de saddaqa ou de amana, c'est-à-dire que il dément le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Watawalla, et il se détourne. Donc kadhaba, c'est le contraire de croire. Tawalla, c'est le contraire de se soumettre et obéir dans les actes. Donc lui, il dément et il se détourne. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah voit? C'est-à-dire, réfléchis-toi, l'être humain, sur cette personne. Elle ne croit pas, elle refuse le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se détourne, elle ne veut pas œuvrer. Réfléchis, ne sait-il pas qu'Allah voit? C'est-à-dire que s'il avait pensé au fait qu'Allah voit, normalement ça devrait l'empêcher de faire tout ça. Pourtant, l'être humain, il est capable d'aller jusque-là. Donc Allah nous appelle à méditer sur ça. À quel point l'être humain il peut aller loin dans la transgression. Et là, on en comprend également que le fait de croire en Allah et en ses qualités, ça peut empêcher l'être humain de faire le mal. Puisqu'Allah dit, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Donc toi-même, quand tu veux faire un péché, ou quand tu as fait un péché, tu devrais te dire, pourtant je sais qu'Allah voit. Le fait que je sais qu'Allah voit, normalement, ça m'empêche. Ça m'empêche de faire un péché. Donc il y a un lien entre eux, le fait de ne pas faire de péché et le fait de croire au fait qu'Allah voit. Kalla la illa miyantahi la nasfa'an bin nasiya. Donc encore Allah dit ici kalla. Pourquoi ce kalla? Parce que Abu Jahl a dit, c'est moi qui ai le plus grand nadi, c'est-à-dire la plus grande assemblée, et j'ai pas peur de Bani Hashim, et s'il continue, ça sera la guerre entre nous. Donc Allah lui a dit kalla. La illa miyantahi, si il ne s'arrête pas, la nasfa'an bin nasiya. La nasfa'an, c'est-à-dire, donc nasfa', c'est-à-dire on va le prendre, mais le prendre durement. Donc la nasfa'an bin nasiya, à la fin c'est nous notre tawkid, c'est pour insister. C'est-à-dire c'est sûr, nous allons l'attraper bin nasiya. Nasiya, c'est ici. C'est le toupé, on appelle ça en français, le haut du front. Nous allons le saisir par le toupé. Est-ce que ça c'est une menace qui veut dire que réellement s'il ne s'arrête pas bientôt on va l'attraper par son toupet, ici-bas, ou est-ce que ça veut dire dans l'au-delà? Ben, ça peut vouloir dire les deux. Et quand on regarde la vie, la sira, et ce qui est arrivé à Abu Jahl, ben, en fait, Allah lui a réalisé la menace. Mais pas dans le sens où il a réellement attrapé par le toupet. Donc si c'est réel, ça sera dans l'au-delà. Mais ici-bas, comment il est mort? Il est mort à la bataille de Badr. Et d'ailleurs, l'histoire de sa mort, entre guillemets, intéressante, quoi. L'histoire, c'est qu'il y avait deux jeunes qu'il n'avait jamais vus. C'était des jeunes de Médine, des Ansar. Et ils se sont mis à côté de Abdurrahman ibn Auf. Et ils ont dit, montre-nous Abu Jahl. Eux, ils ne l'avaient jamais vu. Mais ils avaient entendu tout ce qu'il a fait. Et quand il leur a dit, voilà, c'est lui, ils l'ont tué à deux. Donc c'est comme ça qu'Abu Jahl a fini. Et en plus, il n'est pas mort sur le coup. En fait, il est resté comme ça à l'agonie. Eux, ils ont cru qu'il l'avait tué. Ils sont revenus. En fait, il n'était pas complètement mort. Et c'est qui l'a achevé? Je ne sais pas si vous savez, qui a déjà lu ça. Il lui a parlé. Voilà, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il se connaissait. Et Abu Jahl, jusqu'au bout, il a fait son malin, entre guillemets. Et après, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui l'a tué. Donc c'est comme ça qu'est mort. Il surnommait le Ghanam, c'est ça où il critiquait, ouais, c'est le berger ou le Ghanam, le petit berger, il lui disait, pour se moquer de lui. Et je sais plus ce qu'il lui a dit Abdullah ibn Mas'ud, mais en gros, il lui a fait comprendre, voilà où t'en es arrivé. Donc la nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Un toupé, donc menteur et fautif. Donc ici, le toupé, Allah parle du toupé pour désigner la personne tout entière. Un toupé, menteur et fautif. C'est-à-dire qu'Abu Jahl était un menteur, pas forcément un menteur comme on l'entend nous, mais un menteur dans le sens où, ben, quand il dément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ment. Quand il prétend qu'Allah a des associés et qu'il les adore et qu'ils vont intercéder pour lui, ben, ça c'est le plus grand des mensonges. Mais pas forcément menteur dans le sens dans la vie de tous les jours, puisqu'on sait que les Arabes de l'époque, surtout les nobles parmi eux, ils étaient pas, c'était pas du tout des menteurs. Donc menteur vis-à-vis du dîn. Aussi, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment une version, comme quoi le nasiyah, c'est la partie qui est spécifique, ouais, de... Ouais, j'allais faire une parenthèse sur ça, c'est qu'en fait, certains ils disent qu'il y a un i'ajaz ilmi dans ce verset, qui est que la partie du cerveau qui s'occupe du mensonge, elle est là. Soi-disant, Allah alam. Et donc, le verset, c'est un miracle scientifique, parce qu'Allah a dit le toupé menteur. Le problème, c'est que l'i'jaz et l'ilmi, il faut prendre avec des pincettes. Les miracles scientifiques du Coran, il faut faire très très attention. Pourquoi? Parce que souvent, ils donnent un sens au verset qui n'est pas du tout le sens que lui ont donné les sahaba ou les tabi'in. C'est pour ça que j'ai posé. Ouais, t'as bien fait, mais en fait, je ne peux pas te dire si c'est bon ou c'est pas bon. Tu vois, il y a des exemples où je peux te dire c'est pas bon, parce que je l'ai lu. Donc celui-là, je l'ai déjà lu, que des gens ils disent ça. Mais j'ai pas regardé les vrais spécialistes du tafsir, comme par exemple Moussaïd al-Tayyar, etc., est-ce qu'ils valident ça? Parce que l'i'jaz al-ilmi, c'est un sujet dangereux. C'est un sujet dangereux parce que ça peut pousser les gens à mentir sur le Coran. Quand je dis mentir, c'est pas mentir volontairement, mais dire n'importe quoi sur le Coran. L'i'jaz al-ilmi, c'est dangereux. En plus, bon, je vous en parlerai après, je vous ferai une parenthèse sur ça. Donc, khati'a, ça veut dire fautif. Donc, il faut faire la différence entre khati et murti en arabe. Murti, c'est celui qui se trompe par erreur. Et khati, c'est celui qui se trompe, ça ne veut pas qu'il se trompe, c'est qui fait le faux volontairement. Donc, c'est la différence entre faute et erreur en français. C'est pour ça qu'Allah dit la ya'kuluhu illa al-khati'un. Il n'a pas dit le murti'un. Au contraire, à propos de murti'un, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana. La tu'akhidna in nasina ou akhtana. Donc, quand c'est murti, c'est excusable. Mais khati, c'est pas excusable. Khati, c'est le fautif, celui, le pécheur. Donc, Allah a blâmé ici Abu Jahl en le qualifiant de menteur, pécheur. Faliyad'u nadiya, yani faliyad'u nadiyahu. Qu'il appelle son assemblée. Allah lui a fait un défi. Puisque lui, il disait, j'ai plein de gens autour de moi, etc., c'est moi le plus fort. Ben, Allah lui a dit, faliyad'u nadiyahu. Il appelle son assemblée, Sanadru Zabaniya. Nous appellerons à Zabaniya. C'est-à-dire, s'il ramène tous ses gens, nous on lui ramènera les Zabaniya. Et Zabaniya, c'est les anges de l'enfer. Donc, et d'ailleurs, Abu Jahl n'a jamais relevé le défi. Parce qu'au fond de lui, il savait très bien que tout ça c'était vrai. Il il savait, Abou Djahl, quand il démentait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'en apparence. C'est juste parce qu'il ne voulait pas, par orgueil. Mais au fond, lui, il savait. Donc jamais il a rassemblé tous ces gens pour venir devant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et faire la guerre. Jusqu'au bout, il n'a jamais fait ça. Après, ils ont fait des persécutions, des tortures, etc. Mais de faire ce qu'il avait dit, c'est-à-dire de ramener les gens, etc., comme une troupe autour de lui pour se battre contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. Donc Allah lui a dit, si tu appelles ton assemblée, on appellera les anges de l'enfer. Kalla la tuti'hum wasjud waqtarib. Kalla, c'est-à-dire ici, encore ça veut dire non. Dans le sens, ne fais pas attention à tout ça. N'écoute pas toutes ces paroles, n'écoute pas toutes ces menaces. La tuti'hum, ne lui obéis pas. C'est-à-dire continue de prier devant la Kaaba et continue d'appeler les gens ouvertement. Wasjud, et prosterne-toi, waqtarib, et rapproche-toi d'Allah. C'est-à-dire en faisant beaucoup d'œuvres, beaucoup de prières, beaucoup de prosternations. Et on voit ici le lien entre wasjud, waqtarib. Sachant que dans la sunna, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, aqraba ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le moment où l'être humain est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est sajid, quand il est prosterné. Donc pour al-i'jaz al-ilmi, dont on parlait tout à l'heure, je vous disais, il faut faire attention parce que parfois, pour faire correspondre la science à ce qu'il y a dans le Coran, il donne un sens au verset qui n'est pas son sens. C'est-à-dire que soit en arabe, le verset, il ne peut pas vouloir dire ça, ou alors quand on regarde le siyaq, c'est-à-dire le contexte du texte, ça n'a rien à voir. C'est comme par exemple quand ils disent... ça, franchement, ça fait rire, hein, quand il dit ça, c'est vraiment n'importe quoi. Dans la Sourate Ar-Rahman, In istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban yursalu alaykuma shuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Donc Allah dit, si vous pouvez sortir des cieux et de la terre, faites-le. Et après il dit, alors on vous enverra des chouars minnar, c'est-à-dire des flammes, des jets de feu. Donc certains ils ont dit, ah ça montre que quand l'être humain il va sortir des cieux de la terre, c'est-à-dire il y aura des fusées, parce que dans la fusée il y a un jet de feu. Subhanallah, le verset on voit bien que il ne parle pas de ça du tout. Le verset c'est un défi qu'Allah a fait à l'être humain. Donc ça voudrait dire que tu es en train de dire justement, l'être humain il a réussi le défi. C'est quoi le... Il faut comprendre un peu la sourate quand même. Fala tantasiran, donc la fusée, comment tu lui appliques Fala tantasiran? Yursalu alaykum ashwadun min narin wa nuhasun Fala tantasiran, c'est-à-dire au moment où on vous enverra les jets de feu et de cuivre, la tantasiran, c'est-à-dire il n'y aura personne pour vous aider. Donc c'est quoi le rapport entre la fusée là? C'est-à-dire qu'ils interprètent le jet de feu, bah, c'est le jet qui est en dessous de la fusée. Donc alors ça veut dire quoi Fala tantasiran? La tantasiran, c'est dans le sens où même si l'être humain il essayait, eh bien il serait châtié et il n'y aurait personne pour l'aider. Donc là, ils ont interprété complètement l'inverse. C'est qu'en plus l'être humain il a réussi le défi et qu'en plus, bah, au moment où il le fait, il est tranquille, il n'y a rien qui lui arrive. Subhanallah, c'est des choses. Pour ça, l'i'jaz al-ilmi, il faut faire très attention. Déjà, la première erreur dans l'i'jaz al-ilmi, c'est de donner trop d'importance à la science moderne occidentale. La traiter comme si c'était que du vrai à 100%. Alors que la science, ben, c'est simple, il suffit d'écouter les témoignages des scientifiques eux-mêmes. Et ils vous disent bien que ben, c'est la plupart des choses, c'est des théories. C'est des théories, c'est des calculs, c'est des suppositions. Et parfois les suppositions, ben, les théories vont les valider juste pour pouvoir faire des calculs et des expérimentations. Et tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Alors qu'en vérité, ils ne sont pas sûrs de la théorie ou du principe de base. Et tous les 10 ans, tous les 15 ans, bah, y a une revue scientifique qui arrive pour vous dire « Ben non, en fait, ce qu'on disait depuis 50 ans, c'était pas vrai. En fait, telle loi, depuis 40 ans, qui avait dit Foulen, Einstein, elle n'était pas vraie. On vient de découvrir qu'elle était fausse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut comprendre leur façon de fonctionner. Leur façon de fonctionner à eux, en vérité, ils affirment rien. Ils vous disent « Voilà, c'est comme des théories. » Mais quand ils le présentent aux gens de la masse que nous sommes, et eux, ils ne vont pas nous dire ça, ils vont nous dire, voilà, c'est comme ça. La théorie, elle est comme ça. E égale MC2. Parce qu'ils ne vont pas commencer à nous dire, Peut-être que non. Mais ils te disent E égale MC2, tu l'apprends, tu le répètes et tu te tais. Mais en fait, eux, ils savent que tout ça, c'est des théories. Donc il ne faut pas les mettre à une place trop grande et trop chercher à ce que le Coran, ils veulent dire ça. Ouais, c'est ça. Voilà, Einstein, d'autres, ils ont des témoignages. Il faut chercher ça. Les scientifiques eux-mêmes, ils le disent. Que la science, c'est des théories, qu'on va découvrir qu'elles sont fausses, etc. Et ça, c'est vrai dans plein de sciences. Hein. C'est pas que les grandes sciences comme la physique et tout. C'est vrai dans la géographie, c'est vrai dans les sciences naturelles, c'est vrai dans la médecine. Donc, il faut pas trop. On ne dit pas qu'il faut le rejeter. Au contraire, les musulmans, ils n'ont jamais rejeté la science. Tant qu'elle est, elle doit être bénéfique, elle doit comporter un intérêt. Donc les musulmans, ils n'ont jamais rejeté ni le progrès ni la science. Au contraire, c'est eux qui ont été les porteurs pendant plusieurs siècles. Mais il ne faut pas la mettre à une place plus que ce qu'elle n'est vraiment. Et toujours chercher à ce que le Coran, il voulait dire ça. Et si tu découvres que ce n'était pas ça, tu vas dire quoi alors? Que finalement, le Coran, il ne voulait pas dire ça. Alhamdoulilah, Allah, il a préservé le Coran et il a préservé son tafsir. Le tafsir du Coran, il n'est pas inconnu, on le connaît. Vous ouvrez tafsir al-Tabari, c'est écrit tel verset, Abdullah ibn Abbas a dit, Qatada a dit, Ubay ibn Ka'b a dit, Ibn Mas'ud a dit. Parfois, entre eux, ils ont divergé sur le tafsir, mais on ne sort pas de ce qu'ils ont dit, eux, plus ou moins. Et ensuite, le tafsir également, dedans, il y a une certaine souplesse. Dans le tafsir, il y a une souplesse. C'est-à-dire que un savant du tafsir, il peut faire marcher sa tête pour retirer des sens, retirer des choses du tafsir. Mais il ne le fait pas comme ça n'importe comment. Il y a des usul, ce qu'on appelle usul al-tafsir, c'est-à-dire les fondements du tafsir. Il doit respecter des choses. Il ne peut pas arriver comme ça, comme par exemple les chiites, ils disent « Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan », ça veut dire « Hassan et Hussein ». Ouais, c'est quoi le rapport entre la sourate et Hassan et Hussein? À chaque fois qu'il y a deux trucs, ils vont essayer de dire c'est Hassan et Hussein. Les cieux, la terre, Ali, Fatima. C'est quoi le rapport? Donc, le Coran, c'est un texte. Celui qui veut jouer, n'importe quel texte, il peut lui faire dire ce qu'il veut. Ben, le Coran aussi. Si tu veux dire les cieux, c'est Ali et la terre, c'est Fatima, ben ouais, tu vas le dire. Si on commence à rentrer dans les métaphores et tout, ce qu'on appelle le batinia, tu peux tout dire, tout inventer. C'est pour ça qu'il y a des règles, il y a des qawaïd, il y a des usul. L'imam al-Tabari, quand il fait le tafsir, il ne rapporte pas juste Ibn Abbas a dit, Ibn Mas'ud a dit. Des fois, il explique. Parfois, parce que parfois l'irtilaf, c'est irtilaf tanawwa. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit chacun un truc, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Donc ça, il l'explique. Et quand il y a vraiment de la contradiction, il dit la bonne interprétation, c'est celle-ci. Mais il dit pourquoi. Tabari, il explique pourquoi. Pourquoi c'est celle-ci. Alors il explique, soit par rapport au siyaq. C'est-à-dire quand on regarde l'ensemble des versets, ils indiquent plus ceci que cela. Soit par rapport à la langue arabe, soit parce qu'il y a un hadith qui va dans ce sens-là, etc. etc. Donc il y a des éléments pour retirer du tafsir. Donc le tafsir, c'est quelque chose qui reste assez ouvert. C'est pour ça que les savants, ils ne cessent d'écrire dans le tafsir. Comme on disait tout à l'heure, At-Tahir ibn Ashur, il a dit une chose, on l'a pas vu dans Tabari tout ça, mais elle n'est pas fausse, ce qu'il a dit, c'est pas faux. C'est écrit dans les hadiths, et quand on lit la sourate, ça colle avec, donc ça marche. Mais l'Ijaz al-Ilmi, c'est comme ça. Si ça ne contredit pas le siyaq, ça ne contredit pas l'interprétation des sahaba et des tabi'in, et que effectivement bah, c'est prouvé dans la science, bah, bismillah, pourquoi pas. Comme la halaq dont on parlait tout à l'heure, où effectivement quand on voit la science, comment ils décrivent la progression de l'être humain dans le ventre, effectivement ça c'est la halaq. Donc voilà, là on peut dire c'est un i'jaz ilmi, il n'y a pas de problème. Parce qu'avant à l'époque ils ne pouvaient pas regarder dans le ventre pour savoir. Donc, maintenant qu'on a regardé, on a vu que effectivement c'est ça. Donc là oui on peut dire i'jaz ilmi, il n'y a pas de... Il y a takalouf, c'est pas exagéré quoi. Mais la fusée, c'est le feu, etc. Non, c'est pour ça qu'il faut revenir à des vrais spécialistes. Des vrais spécialistes, comme par exemple, je vous disais tout à l'heure, Moussa Aïd al-Tayyar, lui c'est un vrai spécialiste. Ça fait 20 ans qu'il écrit dans tous ces sujets-là. Et il a un livre qui s'appelle Al-I'jaz al-ilmi ila ayn. Il s'appelle comme ça. C'est, en fait, c'est pas un livre, en fait, c'est plusieurs articles. Donc je vous invite à le lire, c'est pas très long. Si vous avez la possibilité, vous pouvez le télécharger sur son site. Ça s'appelle Al-I'jaz al-ilmi ila ayn. Donc lui, il dit pas que c'est faux. Il dit des fois, Al-I'jaz al-ilmi, na'am, ça existe, mais il y a un filtre. Il y a un filtre. S'il passe dans le filtre, on le prend. S'il ne passe pas dans le filtre, on le rejette. Voilà, donc faut faire attention, ceci est la vérité. Moi, à l'époque, je me souviens, quand je me suis converti, j'étais tombé sur un livre, ça s'appelait « Gloire à Dieu, les 1000 miracles scientifiques du Coran ». Bon, je lis. Alors, quand je lis, par exemple, lui, il va dire, il va expliquer un truc physique de Einstein. Bon, moi, je ne comprenais pas tout, hein. Et pendant 15 pages, il explique avec des formules et tout. Il n'y a toujours pas de courant. Et à la fin, il met un verset et il dit, voilà, c'est... Alors que ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais le verset, il n'est pas aussi précis. Lui, il vient d'expliquer 15 pages avec plein de formules. Après, il montre un verset, il dit, bah voilà. Bah ouais, mais non, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Et alhamdoulilah, le Coran, il est assez grand pour qu'on n'ait pas besoin de ça en vérité pour... Quand on le comprend, quand on étudie l'arabe, on le lit, et bien justement, pendant 1400 ans, les savants, les musulmans, ils n'avaient pas tout ce qu'on connaît à la science, et ils y croyaient plus que nous. Ils n'ont pas attendu l'Ijaz ou l'ennemi pour y croire. Donc l'Ijaz ou l'ennemi, bon, c'est bien, c'est un plus pour les gens de maintenant, mais il ne faut pas abuser. Bon, ça fait une heure, on va s'arrêter là, Inch'Allah. J'ai une petite question par rapport à la sourate de tout à l'heure. Pourquoi en fait, comme c'était deux révélations, les cinq premiers versets et la suite, yeah. Pourquoi on a rassemblé dans la même sourate? Voilà, ça c'est, machallah, c'est une bonne question aussi. Il ne faut pas hésiter à poser des questions comme ça. Justement, c'est quand je disais tout à l'heure, je voulais vous faire un cours sur Ulum al-Qur'an, on parle de ça. En fait, là on parle de Tartib al-Suwar ou Tartib al-Ayat. D'où est-ce que ça vient? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que les sourates, beaucoup d'entre elles, pas toutes, elles lui étaient révélées par morceaux. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui étaient révélées d'un coup, surtout les petites sourates. Et il y en a certaines qui étaient révélées en plusieurs fois. Parfois, ça pouvait être une longue sourate, elle lui était révélée d'un seul coup, même une très longue, comme la sourate At-Tawba. Et parfois, c'était possible qu'il y ait une longue sourate, elle lui était révélée presque d'un coup, et que plus tard il recevait des versets et il les mettait dedans. Donc d'où vient cet ordre? Bah, ça vient du prophète lui-même en fait. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas s'imaginer que chaque sourate, il l'a reçue comme ça, du début jusqu'à la fin de la sourate. Non. En fait, il les recevait, c'était notamment selon des événements, des waqa'ir, des circonstances. Et après, c'est lui-même, sur l'ordre de Jibril, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas oublier cette chose-là, c'est que chaque Ramadan, Jibril venait yuraji'uhu al-Qur'an. Donc c'est là qu'il lui enseignait à chaque fois les versets qui sont, notamment il y a des versets qui étaient mansoukha, il ne fallait plus les réciter. Allah les avait révélés, mais c'était juste temporaire pour une situation et il ne fallait plus les réciter à partir de maintenant. Et il lui montrait également tel verset, mets-le dans tel surat. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les scribes, et notamment le plus important d'entre eux qui était le plus savant d'entre eux de l'écriture et du Coran, le plus savant des Sahaba, c'était Zayd ibn Thabit, dans le Coran et dans l'écriture du Coran. Et il lui disait, mets tel verset après tel autre dans tel surat. Donc voilà, pour répondre à ta question, donc Iqra, c'est la même chose. Il a reçu les cinq premiers versets au tout début, et les versets suivants, ils ont été révélés plusieurs années après, et après il leur a dit, voilà, vous mettez ces versets après tel verset, dans la même surat. Et lui aussi, quand il les récitait, ben, les gens entendaient. Parce que quand il est récité, ben justement, il est récité dans une seule sourate, et c'est ainsi de suite pour les autres. Donc c'est pour ça aussi que parfois il peut y avoir une sourate qui est, on l'appelle Makkiya, c'est-à-dire qui a été révélée avant l'Hijra, et dedans il y a quelques versets qui sont Madani, qui ont été révélés après l'Hijra. Voilà pour répondre plus ou moins à ta question. Ça serait intéressant, Inch'Allah, d'expliquer aussi comment le Qur'an a été regroupé en un seul livre, qu'est-ce que a fait Abou Bakr, à quoi correspond vraiment ce qu'a fait Abou Bakr, à ce qu'a fait Uthman, pourquoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a été révélé en 7 versions, qu'est-ce que ça signifie, elles sont où ces versions, est-ce qu'on les a encore ou pas, Tout ça, Inch'Allah, on l'expliquera dans un autre cours. Après, on pourrait expliquer aussi qawa'id du tafsir, c'est-à-dire les règles du tafsir, mais je ne vais pas dire qu'on n'en a pas besoin. Mais il vaut mieux les citer comme ça, tout simplement, pendant qu'on fait le tafsir. Ça ne sert à rien de faire un cours exprès sur ça. Quand on fait le tafsir, on dit, pardon, voilà, tel tafsir est plus fort parce qu'en arabe, parce que ceci, parce que cela. Mais sinon, moi, je vous invite à lire au maximum, et donc en arabe surtout. Donc, je vous avais parlé du Cheikh Khalid al-Sabt, mais si vous voulez plus d'infos sur vraiment les sciences du Coran, c'est surtout le Cheikh Moussaïd al-Tayyar. Il y a même un forum qui existe qui s'appelle Multaqa Ahli al-Tafsir en arabe. C'est un forum de très haut niveau. C'est-à-dire les gens qui écrivent dedans, c'est vraiment pas de la blague. C'est des chercheurs sur le tafsir et tout ça. Et voilà, les sujets sont vraiment. C'est lourd, c'est très fort. Et justement, le Cheikh, il fait partie des principaux participants du forum. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, on finit pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم أعنا على تلاوته وتدبره والعمل به اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci.